l'araignée et l'hirondelle. Fable 7 du livre 10e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'araignée et l'hirondelle. Ô Jupiter, qui sut de ton cerveau, par un secret d'accouchement nouveau, tirer Pallas, jadis mon ennemi, entends ma plainte une fois en ta vie. Prenier me vient enlever les morceaux, caracolant, frisant l'air et les eaux, elle me prend mes mouches à ma porte. Mienne, je puis les dire, et mon réseau en serait plein sans ce maudit oiseau. Je l'ai tissu de manière assez forte. Ainsi, d'un discours insolent, se plaignait l'araignée autrefois tapissière, et qui, l'or étant filandière, prétendait enlacer tout insecte volant. La sœur de Philomèle, attentive à sa proie, malgré le bestion happait mouche dans l'air, pour ses petits, pour elle, impitoyable joie, que ses enfants gloutons, d'un bec toujours ouvert, d'un ton demi-formé, bégayante couvée, demandait par des cris encore mal entendus. La pauvre araigne, n'ayant plus que la tête et les pieds, artisan superflu, se vit elle-même enlevée. L'hirondelle en passant, emportant toile et tout, et l'animal pendant au bout. Jupin, pour chaque état, mit deux tables au monde. L'adroit, le vigilant et le fort sont assis à la première, et les petits mangent leur reste à la seconde. Fin de L'araignée et l'hirondelle. Fable 7 du livre 10e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Tirer